Monsieur, voilà votre marchand. Monsieur Dimanche, qui demande à vous parler. Bon, voilà ce qu'il nous faut, qu'un compliment de créancier. Mais que s'avise-t-il de nous venir demander de l'argent? Et que ne lui disais-tu que monsieur n'y est pas? Mais voilà trois quarts d'heure que je le lui dis. Mais il ne veut pas le croire. Et c'est assis là-dedans pour attendre. Qu'il attende tant qu'il voudra. Non, au contraire. Faites-le entrer. C'est une fort mauvaise politique que de se faire seler aux créanciers. Il est bon de les payer de quelque chose. Et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits, sans leur donner un double. Mais